Amis humains, bonjour. L'intelligence sociale ou intelligence interpersonnelle est la forme d'intelligence qui permet de comprendre autrui, ses pensées, ses sentiments, et d'agir efficacement sur lui, obtenir son adhésion, modifier son comportement. En situation d'interaction sociale, sa mise en évidence est généralement attribuée à Howard Gardner, auteur de la théorie des intelligences multiples. Elle a été reprise en France par René Le Développement Durable, anglais, Sustainable Development, qui peut aussi être traduit en français par développement soutenable, est une conception du bien commun développée depuis la fin du XXe siècle. Considérée à l'échelle de la planète, cette notion vise à prendre en compte, outre l'économie, les aspects environnementaux et sociaux qui sont liés à des enjeux de long terme. Selon la définition donnée dans le rapport Brundtland en 1987, le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. La sociologie de l'art est une des branches de la sociologie qui présente deux approches. D'une part, elle étudie les arts ordinaires en tant qu'activité ou langage ayant une dimension esthétique dans la vie sociale, costumes, décoration, architecture, cuisine, édition, musique, publicité, etc. D'autre part, elle étudie l'activité et le monde spécifique des artistes, milieu des artistes, instances de sélection et de promotion, réception des œuvres d'art ou des mouvements artistiques, diffusion, consommation. La première sociologie, qui étudie l'art comme dimension de la vie sociale commune à tous les milieux sociaux, est actuellement délaissée par les sociologues au profit des ethnologues, des archéologues et des historiens de l'art. La seconde devrait s'appeler sociologie des artistes et des milieux artistiques. La limitation de la vie artistique à la consommation de produits culturels étatiques ou marchands, comprenant aussi l'emballage et la publicité, tend à faire converger les deux domaines d'études vers un marketing du secteur culturel. La géographie a notamment pour but de comprendre comment se construit le rapport entre individu et territoire. Or, au-delà de ce qui fonde l'existence même du territoire, l'appropriation d'une portion d'espace par un groupe humain, on trouve l'idéal, le sentiment d'appartenance. La relation à un espace en tant que lieu de vie et qui mobilise des représentations cognitives, des relations sensibles. Ainsi, certaines notions comme la perception, la cognition, les représentations de l'espace ont émergé dans la discipline géographique. Ces thématiques permettent de mettre en relation les structures spatiales et objectives et les significations sociales, culturelles et sensibles des lieux. La ville passe ainsi du concret au perçu, au représenté, de l'objectif au subjectif. Berck, 1995, Santos, 1997. Appréhender le contexte spatial des ambiances urbaines, ambiances et paysages. Élément particulier de la relation des individus à l'espace, fournir des indications très intéressantes sur la disposition spatiale des ambiances et donc sur la contrainte structurelle que la ville impose aux individus, les usages des espaces urbains. À bientôt, et grosse bise numérique.